Oui. Oui, eh bien, je crois qu'on devrait y aller. Tu es prête? Et où as-tu l'intention d'aller? À une Au fête. Cinéma. On va à la fête du cinéma. C'est la fête du cinéma, quoi. Non, il raconte des cracks. Non, en fait, c'est une petite partie que j'ai organisée chez son ami Wyatt ce soir. Une petite quoi? Partie, chérie. Je crois que ça veut dire soirée. Une soirée. Vous savez bien, il va y avoir du sexe, de la drogue, du rock, des clips, des tripes, des fouets, de la fesse. Ça pisse pas bien loin, une banale orgie de lycéens. Rassurez-vous, on n'ira pas jusqu'à se faire les bouts de seins à la bougie ou à dire des messes noires et tout ce qui s'ensuit. Non, non. En juste 200 ou 300 gosses en petite culotte en train de faire des galipettes dans un état de bestialité avancée. Oh, bon, cette fois, j'en ai marre. Ça suffit comme ça. Gary, va dans ta chambre. Oui, papa. Hurrah, tu es encore là, public! Bonjour, vous écoutez toujours La Marge, 89.3 FM, CISM. C'est la grande traversée du jeudi, Plectrum qui se poursuit. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute lors de la première heure, aujourd'hui, c'est le spécial Créatures de rêve. Weird Science! Comme vous l'aurez remarqué par l'extrait audio qu'on vient d'entendre. Maintenant, on va débuter notre deuxième heure anglophone. On va débuter avec du rock. On va avoir droit, entre autres, à des pièces des Walkmen, de Lady Hawk, de Cities and Dust et des Eagles of Death Metal. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous invite à me rejoindre au plectrumcism@hotmail.com. Vous pouvez aussi passer par le site web de la station, c'est le cism893.ca pour plus de détails, ou encore passer par mon site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. Une autre plug, si vous me permettez l'expression. J'ai aussi un podcast, une balado diffusion. C'est au podmodernisme.blogspot.com. Avant de poursuivre en musique, un autre fait cocasse sur Weird Science. Le film se situe dans une ville en banlieue de Chicago qui s'appelle Shermer. Et pour ceux qui ne le savent pas, Shermer est une ville factice créée dans la diégèse, finalement, de l'œuvre de John Hughes. La plupart de ses films, plutôt, se situent dans cette ville. Et moi, je pose la question, à quand des films dans Sorel? Hein? Pensez-y. En attendant, on débarre en trombe cette deuxième heure sur la marge, 89.3 FM, CISM. Ooh. l'attouchement sexuel de votre fils, soit d'aller voir la veuve Poignet en feuilletant des revues dans la salle de bain. Oh, Gary! Comment? J'ai jamais feuilleté de revue, je te le jure! Je pense que tu me disais que tu te brossais les dents! Mais c'est vrai, c'est la vérité! Tu vas te taire à la fin! Je te promets que c'est vrai! Maman, je te promets, écoute, je ne sais jamais! J'ai jamais fait ça! Mais tais-toi, je n'ai jamais fait ça, jamais! Il disait mon mensonge à sa propre mère! Je n'ai jamais fait, maman, je t'arrête! La ferme! Watch out now! Ah! Nostalgie! Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours CISM, le 89.3 FM, la radio de l'Université de Montréal. Je m'appelle André Péloquin, c'est la grande traversée de jeudi. Plectrum qui se poursuit, spécial créature de rêve, Weird Science pour vous aujourd'hui. Deux heures de citations du film, de faits inusités et surtout inutiles sur ce classique des années 80 et la meilleure musique en ville en ce moment même, en ondes, à la radio. Oui, on a entendu, pour démarrer cette deuxième heure, des pièces des Walkmen. C'était « Good for you, is good for me », c'est tiré de leur tout nouvel album. On avait aussi les Lady Hawk de Vancouver avec la pièce de Dugout, c'est tiré de leur album éponyme. On avait aussi du Cities and Dust, c'est la pièce Chop Chop You're Dead. Et on a débuté ce bloc avec des Eagles of Death Metal qui seront en concert bientôt avec Peaches. C'était leur succès I Want You So Hard, tiré de leur album Death by Sexy. On va poursuivre dès maintenant avec un peu de hip-hop anglophone. On va avoir, pour ceux qui aiment du mash-up, on va avoir un des maîtres de cet art, entre guillemets, c'est-à-dire Girl Talk. On va aussi avoir un classique de The Roots qui, même après des années, je ne me tanne pas de cette pièce, c'est incroyable. Et on va aussi avoir une petite surprise pour les fans des Yeah Yeah Yeahs. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous invite à me rejoindre au plectrumcism@hotmail.com. Le site de CISM, c'est le cism893.ca. J'ai aussi un podcast, c'est le podmodernisme.blogspot.com, et j'ai aussi un site web pour mon émission si jamais vous vous perdez dans les méandres du site de CISM, c'est le plectrumcism.blogspot.com. Et maintenant, du hip-hop! Mais avant, un autre fait sur Créature de rêve, et eh bien la personne qui jouait cette fameuse créature de rêve s'appelle Kelly LeBrock, qui était, ma foi, une jeune fille fort sculpturale. Et eh bien cette fille, des années plus tard, s'est mariée avec Steven Seagal, le ninja obèse. Wow! C'est comme... je sais pas. C'est comme... Il y en a qui disent que tous les goûts sont de la nature, mais là, il y a une motadine de limite. Place au hip-hop sur la marge. À tout de suite. Knocked up 9 months ago, and what she finna have, she don't know. She want neo soul, cause hip hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you an obstacle, she just drop your cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to beat the plan. Cause you was quick to learn, and we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wings, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't bitch and whine if I don't get my way. I only wanna fertilize another behind my lover's back. I sit and watch it go. And Dance. on that, straight up on that, I be on that kryptonite. Time and time again, I gotta turn back round and tell these hoes that I am the H and I see bitch, that's just the way it goes. I be on that shit that I had you on that, I don't want no more. At this time, I need all my freak hoes to get down on the floor. If you came to rep your set, right now, nigga, let them know. If it's jail, I get for stomping and hitting the street, fuck it, I go. Freak, I be out in the weed. Straight geek swerving down your street in the stolen Bonneville with 23s on the feet. I be on that kryptonite, straight up on that kryptonite. I be on that, straight up on that, I be on that kryptonite. I be on it all night, man, I be on it all day. Straight up, pimp, if you want me, you can find me in the air. Let me see it, if you can find me. Let me see it, bounce that, bounce that, bounce that, bounce that. You can find me, bounce that, bounce that. Let me see it, let me see. A different color whip. Picture perfect. You might wanna take a flick, flick, flick, flick, flick. Call up Jazzy, tell him pop the bottles, cause we got another hit, hit, hit. Wanna go platinum, I'm who you should get. Ludicrous, on the track, get back, trick, switch on the lack, I'm flexing steel. Same price, different time, hot song, jumped on, cause he ever got sex appeal. And I keep the meanest, cleanest, baddest, spinning on stainless wheels. Who care less about your genius, I bump your status, I keep the stainless steel. Ça va ton estomac? Il y a un léger mieux. Si tu sens que tu vas envoyer la vapeur, tu me préviens, d'accord? Envoyer quoi? Si tu pètes, si tu largues une Louise, tu me préviens, je brancherai le ventilo. Ouais, excuse-moi, Gary, c'est... je souffre de maux de ventre chroniques et quand je suis contrarié, c'est mon estomac qui trinque. Non mais tu sais, on est vraiment pas croyable quand même, hein. On n'est pas à la hauteur. C'est vrai, tout ce qu'on sait faire, c'est se dire comme ce serait génial si on était invité à des fêtes. Et là, c'est notre fête, tous les gens s'amusent comme des fous et prennent leurs pieds et nous, on est dans les chiottes. Non mais on est dans les chiottes, je peux pas croire ça, moi, c'est pas vrai. Gary, t'es aussi nerveux que moi et tu le sais très bien. Non mais alors attends, dis donc, tu rigoles là ou quoi? Parce que plus nerveux que toi, y a pas. Au fait, ton deuxième prénom, c'est bien J'ai les boules. Wyatt, J'ai les boules, donnez-les. D'accord, d'accord, je sais, c'est vrai. C'est vrai. Et alors? On n'est pas si mal ici, après tout. C'est vrai, on entend la musique. Oh bah oui, c'est génial, ça, on a qu'à danser, en niflant sous la porte. Peut-être qu'on sentira l'odeur des petits fours aussi comme ça. André Péloquin, animateur professionnel qui s'étouffe au micro. Pour toi, ça c'est de la réalité, là. Ça se passe maintenant sur la marge de 89.3 FM CISM. Et vous écoutez toujours Plectrum, la grande traversée du jeudi. Et on vient de terminer avec un petit peu de hip-hop. Autre Laffy Grime qui reprenait les yeah. On avait du Girl Talk avec la pièce Bounce That. C'est tiré de son nouvel album Night Ripper, je vous le recommande fortement. Il y a un classique des Roots, on avait décidé de 2.0, tiré de leur album Phrénologie. Bien sûr, les Roots qui sont en concert à Montréal pour le Festival de Jazz Montréal. Oh yeah! Jazz! Et on poursuit maintenant ce spécial Weird Science, créature de rêve. Dans quelques instants, un autre fait inusité sur ce classique des années 80, signé John Hughes. Mais avant, je vous annonce ce qu'on va avoir en musique. On va avoir Trivial Music qui reprend Street Spirit de Radiohead. On va aussi avoir la formation Transformer, dit Roboteur, qui reprend une pièce de Shampoo, One Hit Wonder, qui chantait « Oh oh, we're in trouble ». Vous allez voir, vous allez vous en rappeler quand vous allez l'entendre. Et une formation de passage à Montréal très bientôt, c'est Bandido Rolé. On va avoir la pièce Melodo Tabaco. C'est la version remixée par le DJ de Montréal, le DJ de Kanye West, A-Track. Et ça va être excellent, je vous le garantis. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous invite à me rejoindre au plectrumcsm@hotmail.com. J'ai aussi une balado-diffusion, c'est au pod de modernisme, podmodernisme.blogspot.com. Et je vous invite fortement à visiter le site web de CISM, c'est le cism893.ca. Mais avant de retourner en musique, un autre fait inusité sur Créature de rêve, une des vedettes du film s'appelait Anthony Michael Hall, c'était le petit blond du duo. Et ce jeune homme est aussi comédien. C'est d'ailleurs le plus jeune membre de l'histoire de Saturday Night Live. Il s'est joint à l'émission lorsqu'il n'avait que 17 ans. Il n'a aussi fait qu'une saison car il a dû aller en désintox la saison d'après. Yee, ça joue fort à Saturday Night Live. On retourne dès maintenant en musique électro sur la marge. 83 FM CISM. Bye. We'll be right back. these things into position. All these things will one day swallow home. Mesdemoiselles, bonsoir. Bonsoir. Non mais quoi alors, mon Dieu, c'est pas croyable ça. Tout de la charnard là, et les poules rappliquent maintenant. Mais je sais pas moi, craque une allumette. Fais du feu, fais quelque chose. Salut. Salut. On croyait que c'était les toilettes des filles. Excuse-nous. Ah, désolé, il y a que des garçons ici. Nous-mêmes. Qu'est-ce que vous faites ici? Moi rien, mais Gary était en train de faire caca. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Sniff, sniff, c'est déjà ma dernière intervention lors de cette édition de Plectrum, la grande traversée du jeudi ici à CISM. Je m'appelle André Ploquin et je vous emmerde au micro. Aujourd'hui, c'est le spécial Créature de rêve Weird Science. On a eu 2 heures de citations du film et de faits ridicules que vous pourrez répéter lors de parties et de soirées intimes avec vos copains. Et comme moi, vous pourrez regarder avec des yeux bénins de personnes qui vous détesteront pour vous ramener ces mémoires souffrantes des années 80, parce que qui était beau dans les années 80 entre vous et moi? Personne. Personne ne l'était, sauf Samantha Fox et ses affiches magnifiques. On vient de terminer avec un petit bloc électro-anglophone. On y a entendu, entre autres, des pièces de Trivial Music qui nous ont fait Street Spirit, une reprise de Radiohead, bien sûr. On avait aussi du Bande do Rolê qui nous ont fait Mélo do Tabaco, la version remixée par le DJ montréalais A-Track. Et on avait, entre autres, du Transformer di Roboto, c'était Oh Oh We're in Trouble, une reprise de Shampoo. On va terminer de maintenant cette émission avec un petit peu de folk là, pour se rapprocher de nos racines. Tire-toi une bûche, on va jouer de la guitare acoustique puis pleurer dans du scotch tiède. On va avoir entre autres la formation montréalaise United Steelworkers of Montreal. C'est excellent, la pièce s'appelle Lay Me Down Fada. On va aussi avoir des Ontariens qui font ma foi de la bonne musique. C'est Cat Burns et Forest City Lovers, c'est la pièce Mermaids. Et on va terminer avec du Nouvelle Vague et leur reprise plus ou moins bossa nova de Dancing With Myself. C'est tiré l'album Bande à part. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous invite à me rejoindre une dernière fois au plectrumcism@hotmail.com. C'est mon courriel. J'ai aussi un site web, mais vous pouvez y accéder via le cism893.ca ou encore au plectrumcism.blogspot.com. Si vous avez un iPod, iTunes ou que vous aimez tout simplement découvrir des trucs ou redécouvrir des trucs de plus ou moins local et alternatif, fait au Québec, c'est au podmodernisme.blogspot.com que ça se passe. En attendant le palmarès du jeudi, je m'appelle André Péloquin et je vous souhaite une agréable semaine. À plus, tout le monde! I'm dancing with myself. Say with me.